Alors bonjour et bienvenue, que ce soit la première fois ou que ce soit la xème fois. Aujourd'hui, on va continuer dans l'Épître aux Romains. Épître aux Romains, chapitre 1. Alors, je vous inviterai à tourner avec moi ou tout simplement à suivre sur l'écran. Donc, Romains chapitre 1, les versets 16 et 17 aujourd'hui. « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec. » Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon ce qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le thème de l'Épître aux Romains, c'est ça, c'est l'Évangile. Toute l'Épître aux Romains, c'est une extension de ces deux versets-là qu'on vient de lire. Donc c'est donc très important de bien comprendre ces versets-là si on veut pouvoir suivre le reste des autres chapitres. Jusqu'à présent, les 15 premiers versets, Paul s'est efforcé de créer un lien, un contact avec l'Église de Rome qu'il n'a jamais rencontré. Et maintenant qu'il a leur attention, si je peux dire ainsi, il prononce ces fameuses paroles. « Je n'ai point honte de l'Évangile. » Paul est fier de l'Évangile. Il est fier d'annoncer la parole de Dieu. Il est fou du privilège de pouvoir proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, comme nous dit le verset 3. C'est la bonne nouvelle au sujet de Jésus. À cause de l'Évangile, Paul a été emprisonné à Philippe. Il a été chassé à Thessalonique. On a ri de lui à Athènes. Il était considéré comme une plaie, comme une nuisance à Jérusalem. On l'a considéré comme fou à Corinthe. Tout ça à cause de l'Évangile. Et il a été, comme vous savez, lapidé en Galatie. Donc Paul a affronté bien des malheurs, bien des tourments à cause de l'Évangile de Jésus-Christ. Mais pas une seule fois n'a-t-il eu honte du message, n'a-t-il eu honte d'annoncer cette bonne nouvelle-là, l'Évangile. Et pourquoi est-ce que Paul n'avait pas honte, justement? Pourquoi est-ce qu'il n'avait pas peur? Pourquoi est-ce qu'il était audacieux, qu'il était, je m'en allais dire fantasme, ce n'est pas le bon mot, mais qu'il n'avait pas honte, qu'il était fier? Le verset 16, quoi, nous donne une bonne réponse, nous dit « Parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut. » C'est une puissance de Dieu. Parce que l'Évangile, la bonne nouvelle, change des vies. Et Paul le sait que ça change la vie. Parce que ça l'a changé sa propre vie à lui. Et il l'a vu, l'Évangile, opérer dans la vie des autres. Et il a vu des gens être transformés. Donc, il le sait et il le croit. C'est pour ça qu'il n'a pas honte de l'Évangile. Et ça me rappelle une histoire peut-être que je vous ai déjà racontée. Je sais que je l'ai racontée à quelques-uns. C'est un vendeur d'aspirateurs qui se rend dans une ferme. Et la dame voit venir le vendeur et elle ouvre la porte et elle n'a pas le temps d'ouvrir la bouche que déjà il est rendu dans le salon. Et c'est un genre de vendeur verbomoteur qui parle, qui n'arrête pas. Et il n'attend pas que la dame ouvre la bouche et il commence et dit « Madame, je veux vous parler de cet aspirateur. Il va tout aspirer dans cette maison, mais vous devriez faire attention, il pourrait même aspirer votre plancher, tellement il est puissant. » Et la dame essayait de placer un mot pour l'arrêter et il ne la laisse pas parler et il continue. Je vais vous faire la démonstration de son efficacité. » Alors, il sort de son sac un sac de plastique qu'il verse dans le salon. Là-dedans, il y a de la cendre, il y a des ordures, il y a de la ferraille. Il lui dit, « Madame, si mon aspirateur n'arrive pas à tout aspirer en 2 minutes, je vais tout manger avec une cuillère. Je vais tout manger le reste à la cuillère. » Et finalement, il termine son plaidoyer, si je peux dire, pour cet aspirateur-là. Et la dame lui dit, « Alors, monsieur, vous devriez commencer à manger tout de suite, parce qu'ici, on n'a pas l'électricité. » On n'a pas l'électricité. Ce que je veux dire, c'est qu'avant d'utiliser quelque chose, avant d'utiliser un produit, il vaut mieux à être certain qu'il y a une source d'énergie, qu'il y a du pouvoir pour faire fonctionner ce produit-là. Et la raison pour laquelle Paul n'a pas honte de l'Évangile, c'est parce qu'il connaissait la puissance de l'Évangile. Évangile qui est gratuit en passant, qu'on ne vend pas, qu'on offre gratuitement. Donc, Paul connaissait la puissance de l'Évangile. Paul savait qu'il pouvait changer des vies, transformer des vies, en dépit de ce que les hommes pensaient. Paul, lorsqu'il annonçait l'Évangile, la bonne nouvelle, il ne se souciait pas de sa réputation. Paul ne se souciait pas de sa popularité. Tout ce qu'il voulait, c'est de prêcher l'Évangile parce qu'il savait tout ce qu'il pouvait faire. Il savait que l'Évangile de Dieu, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, change des vies. Aujourd'hui, avec ces deux versets-là qu'on vient de lire, les versets 16 et 17, nous allons regarder quatre mots-clés dans le passage au sujet de l'Évangile. On va commencer, ou je devrais dire, on va continuer avec le mot « puissance » qui se trouve au verset 16. L'Évangile, c'est la puissance. C'est une puissance. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est une puissance. Et le mot « puissance », dans le grec, c'est le mot « dynamis ». Dynamis, d'où nous avons éventuellement formé le mot « dynamite ». Alors, ce que Paul a en tête, c'est que l'Évangile porte en lui l'omnipotence de Dieu, la puissance surnaturelle de Dieu. Toute une puissance, n'est-ce pas? L'Évangile, dynamis, de la dynamite. Lorsque vous annoncez l'Évangile, vous avez de la dynamite entre les mains. Le Dieu Tout-Puissant est derrière l'Évangile, opérant dans la régénération des personnes. L'être humain aimerait changer, savez-vous cela? L'être humain aimerait changer. C'est vrai, remarquez toute la publicité qui passe dans le monde. Toute la publicité qui passe dans le monde est basée sur un présupposé. C'est que les gens veulent les choses différentes de ce qu'elles sont réellement dans leur vie. Et c'est vrai. Les gens veulent une meilleure apparence que la leur. Ils veulent se sentir mieux que maintenant. Ils veulent avoir de plus belles expériences que celles qu'ils ont. Ils veulent vivre mieux que maintenant et que hier. C'est pour ça qu'ils achètent toutes sortes de produits, qu'ils achètent toutes sortes de choses pour vivre mieux. Ils veulent que les choses soient différentes dans leur vie. Ils veulent un changement. Au fond d'eux, les êtres humains, veulent vraiment que les choses soient différentes. Mais la réalité, c'est qu'ils sont totalement, l'être humain est totalement impuissant à pouvoir changer ces choses-là. Impuissant. Jérémie, chapitre 13, verset 23, nous dit « Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? » Bonne question, n'est-ce pas? Et la réponse, c'est non. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? L'être humain a autant de chances de changer son propre cœur qu'un léopard ses taches. Oh, l'être humain peut effectuer des réformations, que j'appelle, dans sa vie. Il peut fonctionner un petit peu différemment, mais les vrais changements ne se produisent jamais. Il ne peut rien changer en profondeur. La Bible dit que les œuvres ne peuvent pas le sauver, ne peuvent pas le changer, changer son cœur, faire des choses, il n'y a rien qu'il peut faire. La Bible dit que la chair et le sang ne peuvent pas le sauver, ne peuvent pas changer son cœur, ne peuvent pas changer sa nature, la chair et le sang. Donc, lui-même, en faisant des choses, par sa propre volonté, il ne peut pas. Et le sang, dans le sens que mes parents ne peuvent pas changer mon cœur, n'ont pas pu changer ma nature, et les autres autour de moi non plus. La Bible dit que l'Église ne peut pas nous sauver, ne peut pas nous changer non plus. Quoi qu'elle enseigne, l'Église en tant que telle ne peut pas nous changer. La Bible dit aussi que la religion ne peut pas nous sauver, ne peut pas nous changer. On peut, comme je disais tantôt, on peut réformer notre vie, Mais à l'intérieur même, ça reste la même personne. Je reste le même Patrick. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se changer? Parce que la Bible nous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Actes chapitre 4, verset 12. Donc, le salut se trouve en un autre que moi. Le salut se trouve en Jésus-Christ. Seule la puissance de Dieu peut changer les vies. Seule la puissance de Dieu peut changer les vies. Il n'y a aucun autre moyen, nous dit Actes 4, 12. Romains chapitre 5, verset 6 nous dit « Lorsque nous étions encore sans force, Christ est mort pour des impies. Lorsque j'étais impuissant spirituellement, quelqu'un d'autre a agi, alors que je ne pouvais rien faire. C'est qui? Christ. Jésus-Christ est mort pour des impies. L'homme est pris au piège et incapable de se sauver, de se changer lui-même, de se libérer. » Romains, chapitre 8, verset 3. « Car chose impossible à la loi, à la parole de Dieu, au commandement, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils. » Il nous était impossible de faire quoi que ce soit à propos de notre salut, à propos de notre destinée éternelle, à propos de notre mort spirituelle. Il a fallu que Jésus-Christ vienne, que Dieu envoie son Fils mourir à notre place. Vous pouvez prendre l'homme et lui donner de bonnes habitudes, de bonnes normes, de bonnes règles à suivre. Vous pouvez lui donner de bons principes et de bonnes valeurs toute sa vie. Mais ça ne changera jamais, jamais, jamais sa nature. Il va rester un pécheur. C'est impossible à changer sa nature humaine. L'homme ne peut pas se changer et c'est sa grande frustration. C'est la grande frustration de l'être humain, ça. Mais la bonne nouvelle, écoutez bien ça, la bonne nouvelle est que ce que l'homme est incapable de faire pour lui-même, Dieu peut le faire pour lui. Ce que l'homme était incapable de faire pour lui-même, Dieu l'a fait pour lui, à travers en Jésus-Christ. C'est le principe fondamental de l'Évangile, de la bonne nouvelle. L'Évangile devient une force, devient une puissance lorsqu'on comprend. C'est une puissance dans le sens que Dieu est la source de l'Évangile, et la source, c'est une incroyable et prodigieuse puissance, un pouvoir sans limite qui peut transformer des vies, la puissance de Dieu qui agit à travers son Évangile. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18 nous dit « La prédication de la croix ». Ça, c'est un terme qui veut dire l'Évangile, la bonne nouvelle. Lorsque je parle de Jésus crucifié sur la croix, Jésus mort pour les péchés, donc, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Folie pour ceux qui périssent. Un Messie crucifié, c'est tout simplement ridicule, nous dit l'être humain, nous disent les hommes. Ça n'a pas d'allure, ton affaire. Mais pour nous, qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Mais pour nous qui sommes sauvés, pour les croyants, c'est la puissance de Dieu. Vous voyez, c'est le point clé, la puissance de Dieu, la prédication de la croix, l'Évangile. L'Évangile, c'est peut-être une folie pour les hommes, pour l'être humain. Mais pour nous qui avons été sauvés, qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Nous reconnaissons ce que Dieu nous a révélé, ce que nous avons appris de lui. Verset 23 de 1 Corinthiens 1, « Nous prêchons Christ crucifié. » On annonce l'Évangile, on annonce Jésus. « Nous prêchons Christ crucifié. » Scandale pour les Juifs. Folie pour les non-Juifs. Ça nous dit folie pour les païens, c'est-à-dire les non-Juifs. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs, c'est-à-dire les Juifs et les non-Juifs. Donc, pour le non-croyant, pour celui qui est encore mort dans ses péchés, c'est une folie que la prédication de la croix, l'Évangile, si Dieu n'intervient pas dans ce cœur-là, si Dieu ne transforme pas, si Dieu n'accorde pas la foi et la repentance, ça va rester de la folie, de la stupidité. C'est insensé de pouvoir croire ces choses-là. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Puissance de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Gloire à Dieu. C'est vraiment incroyable le fait que ce que Dieu peut faire par sa parole, par son évangile. C'est incroyable la puissance qu'il y a dans sa parole. Lorsque je regarde ma propre vie, j'ai certaines faiblesses dans ma vie avec lesquelles je lutte et avec lesquelles je vais lutter probablement toute ma vie. J'ai des limites intellectuelles, j'ai des limites physiques, j'ai des limites dans ma compréhension et dans ma perception des choses. Je suis un être limité. Et vous savez ce que je trouve d'incroyable malgré tout ça? C'est que malgré tout, Dieu, dans sa grâce, m'utilise moi, un être imparfait, mais son enfant, m'utilise moi pour être un canal, pour être un outil entre ses mains pour changer des vies, pour que des vies soient transformées à travers sa parole par ma bouche. N'est-ce pas incroyable? Je rends grâce à Dieu pour ça. Je rends réellement grâce à Dieu. Donc, l'Évangile, c'est une puissance, le texte nous dit, verset 16. Et quelle est la puissance derrière l'Évangile? On l'a déjà mentionné, c'est Dieu. C'est Dieu. Jérémie, chapitre 10, verset 12, nous dit, c'est lui, Dieu, qui a créé la terre par sa puissance. Jérémie, chapitre 27, verset 5, nous dit, « C'est moi qui ai fait la terre et les hommes et les animaux qui sont sur la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu. » Dieu est un Dieu tout-puissant. Mais je crois vraiment que l'expression de sa toute-puissance se manifeste dans son pouvoir de sauver, se manifeste à l'extrême, je pourrais dire, le plus dans son pouvoir de sauver, de transformer des gens, de changer leur nature, et ce pour l'éternité. Le psaume 106, verset 8 nous dit, nous parle de Dieu encore, ça nous dit, « Mais il les sauva à cause de son nom, pour manifester sa puissance. » Vous voyez, la manifestation de sa puissance se retrouve dans le salut. Vient dans le salut. Et la raison du salut. Pourquoi est-ce que Dieu sauve? On le mentionne souvent. Il nous dit, « Mais il les sauva à cause de son nom. » Le but ultime du salut, c'est Dieu. C'est de se glorifier à cause de son nom. Et ça nous dit, « Pour manifester sa puissance, pour révéler sa puissance. » Dieu se révèle, et lorsqu'il révèle sa justice, sa puissance, son amour, sa grandeur, sa colère également, il se révèle lui. Donc, tout cela, ses attributs le glorifient. Lorsque Dieu se révèle, il se glorifie. Nous le glorifions. Donc, « Mais il l'a sauvé à cause de son nom pour manifester sa puissance. » Premier mot, « puissance ». Deuxième mot, c'est le mot « salut ». L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut. La puissance est démontrée dans le salut parce que les hommes sont morts spirituellement, nous dit Éphésiens 2. Donc, la puissance de Dieu, par sa parole, il les ressuscite. Il les ramène à la vie. Il les fait vivre. L'œuvre de Dieu dans le salut, je disais, rend l'homme vivant. Elle le purifie de son péché pour qu'il puisse vivre éternellement dans le royaume de Dieu, avec Dieu et pour Dieu. Le mot « salut », ça signifie « délivrance ». Délivrance. Encore aujourd'hui, en 2012, les hommes ont besoin d'être délivrés. Ont besoin de délivrance. Lorsqu'un homme ou une femme est délivré, il est délivré, si je pourrais dire, de l'infection de la vie. Nous sommes revêtus, alors, si vous voulez bien, avec un antiseptique divin. Nous sommes couverts de sa justice. Jésus a dit qu'il était venu chercher et sauver ce qui était perdu. Parce que l'homme est esclave du péché, est mort dans ses péchés, jusqu'à ce que Christ le libère. Donc, puissance, salut et foi. Le troisième mot, c'est le mot foi. Si la puissance peut sauver, si la puissance de Dieu, la parole de Dieu, l'Évangile peut sauver, qui sauve-t-elle maintenant? Qui sauve-t-elle? Eh bien, ce qui est merveilleux avec Dieu, avec l'Évangile, c'est que cette puissance-là, cet Évangile-là est disponible à tous, est disponible pour tous. Le texte nous dit « pour quiconque croit ». Quiconque croit, le mot « croit », la foi. Verset 16, autrement dit, l'Évangile n'a aucune limite humaine. Personne ne peut dire « je suis trop mauvais, je suis trop méchant, je suis trop sale, j'ai fait trop de mauvaises choses, j'ai eu trop de mauvaises pensées ». Non, quiconque croit, peu importe votre âge, peu importe votre statut social, peu importe votre race, l'Évangile c'est pour toi, l'Évangile c'est aussi pour vous. Un verset qui nous démontre bien cela, que c'est pour quiconque croit partout dans le monde et précisément pour toi. Apocalypse chapitre 7, verset 9. Apocalypse chapitre 7, verset 9 nous dit, « Après cela, c'est Paul qui a un accès au ciel et qui voit les choses du futur. Il voit la fin. » Et il nous raconte ce qu'il voit. « Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. » Donc, il y a du monde, là. « Une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, écoutez ça, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. » Quiconque croit, de toute nation, de tout peuple, de toute tribu et de toute langue. Et ça nous dit, il se tenait devant le trône et devant l'agneau, en présence de Dieu. Et cette puissance, la puissance du salut, la puissance de l'Évangile, n'est effective que par la foi. Devient effective seulement si j'y crois, si je crois. Il y a la foi, il y a la puissance de Dieu dans le salut qu'il opère. Ou je pourrais dire, parce qu'il y a la puissance de Dieu qui opère, alors il y a la foi. C'est mieux comme ça. La foi, c'est quoi? C'est croire en Jésus-Christ. C'est croire Jésus. C'est, la foi, c'est faire confiance dans le Dieu de la Bible. La foi, c'est s'approprier les promesses véritables, authentiques de Dieu. La foi, c'est croire qui Jésus dit être. La foi, c'est croire qui Jésus dit être. La foi, c'est croire qu'il est mort pour la raison qu'il dit être mort. La foi, c'est croire qu'il est également ressuscité des morts. Et si vous croyez à cela, mes amis, si vous croyez à cela, c'est parce que la Bible nous dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ça ne vient pas de vous. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Par la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est Dieu qui me fait le cadeau de la foi, afin que je puisse croire à cette puissance, à ce merveilleux message de l'Évangile, cette bonne nouvelle. Donc, le salut, ce n'est pas professer le christianisme. Le salut, ce n'est pas être baptisé. Or, parce que je suis sauvé, je me fais baptiser. Je suis baptisé. Mais le salut ne vient pas avec le baptême, par le baptême. Le salut, ce n'est pas une réforme morale de ma vie. Ce n'est pas cela. Le salut, ce n'est pas aller à l'église. Oui, je veux me joindre à d'autres enfants de Dieu pour louer ce Dieu-là. Mais être sauvé, pour être sauvé, il faut pas que j'aille à l'Église. Le salut, ce n'est pas se conformer à certaines règles strictes. Le salut, ce n'est pas avoir de l'autodiscipline ou d'avoir de la retenue. Non plus. Tellement de gens pensent qu'un jour, ils vont aller au ciel, qu'un jour, ils vont être en présence de Dieu, qu'un jour, ils vont être sauvés pour les mauvaises raisons. Pour les mauvaises raisons. Le salut vient parce qu'un homme ou une femme reconnaît qu'il n'a pas de ressources. Le salut vient parce qu'il se reconnaît tel qu'il est, perdu, et qu'il voit sa souillure et la laideur de son péché. Qu'il perçoit la pourriture de son cœur et la pollution de sa nature, et il est alors attiré vers Jésus-Christ comme remède, comme sauveur. Et il voit que Jésus-Christ est mort pour son péché. Il voit qu'il a vaincu le péché et qu'il a payé à la croix la dette qu'il devait envers Dieu. Il voit que Jésus veut lui donner une nouvelle vie pour servir Dieu. Le salut vient lorsque cet homme ou cette femme dit « Je crois ». Je crois. Je crois en toi, Seigneur Jésus. Je crois qui tu dis être. Je crois que ce que tu as fait, c'est vrai. Je crois que ce que tu dis avoir fait, être mort sur la croix pour mes péchés, avoir subi la colère de Dieu à ma place, je crois que c'est vrai. J'y crois. Je me repens, je regrette ma vie, je me repens de mes vies, je me détourne de cette vie-là et maintenant je me tourne vers toi pour te servir. Le salut vient par la foi en Jésus-Christ. Et peu importe le genre de personne que vous êtes, que vous soyez le premier ministre du Québec, que vous soyez un prisonnier dans un cachot là depuis 10 ans pour meurtre, pour je ne sais trop quel délit, peu importe quel genre de personne que vous êtes, le verset 16 de Romains chapitre 1 nous dit « quiconque croit en moi ». Jésus a dit « celui qui croit en moi a la vie éternelle ». N'est-ce pas? Le salut de Dieu n'est pas limité à une nation, à une classe de personnes, à un certain âge, à une race, à un sexe. Donc, l'Évangile de Jésus-Christ, c'est une puissance de Dieu. Il a la puissance de sauver, l'Évangile, il a la puissance de sauver celui qui croit, celui qui croit. Et la raison pour laquelle l'Évangile peut sauver, c'est parce que lorsque vous croyez, la justice de Dieu vous est révélée. Elle se révèle à vous. Verset 17 nous dit, « Car en lui, on parle de l'Évangile, en lui est révélée la justice de Dieu. » En d'autres termes, lorsque je crois, la justice de Dieu devient mienne. Je deviens juste aux yeux de Dieu. Dieu me donne sa justice. Elle m'est imputée, comme on dit. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment la puissance de Dieu qui peut faire ça, qui peut opérer ce changement dans la vie d'une personne. L'Évangile, ce qu'elle veut, c'est glorifier Dieu. L'Évangile, elle révèle Dieu, elle révèle la justice de Dieu. Ce qui nous amène justement à ce mot, au quatrième mot, justice. Si je dois être juste aux yeux de Dieu, ça ne dépendra pas de moi, ça ne viendra pas de moi. C'est Dieu qui doit me donner sa justice. Il doit me donner la sienne pour que je sois juste à ses yeux. Voyez, Jésus a pris mon péché. Et en échange, Dieu m'a donné sa justice. Jésus a pris mon péché et en échange, Dieu m'a donné sa justice. N'est-ce pas incroyable? N'est-ce pas merveilleux? C'est Dieu qui opère tout en tous. C'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui sauve. Gloire à Dieu. C'est pourquoi il est écrit « Christ est devenu péché afin pour nous, Christ est devenu péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. » Christ a pris mon péché et Dieu m'a donné sa justice. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Dieu n'exige pas moins que la perfection pour être sauvé, pour lui appartenir, pour être appelé son enfant. Dieu n'exige pas moins que la perfection. Et on dit souvent, vous avez entendu ça, et c'est une vérité, la perfection n'est pas de ce monde. Non, elle est surnaturelle, elle est divine. Elle est venue du ciel, la perfection, dans une personne, Jésus-Christ. Et c'est lui qui a accompli ce que moi et toi et vous ne pouvions pas faire. Ne pouvions pas accomplir. Dieu exige ce que l'homme ne pourra jamais, jamais, jamais faire. Jamais, jamais payer. Il exige une sainteté, une justice absolue, absolument parfaite. Justice de Dieu qui s'obtient par la foi. Par la foi. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen d'être juste aux yeux de Dieu, quoi qu'en disent les hommes, quoi qu'en disent les religions. Fais ceci, va ici, mets-toi à genoux, mets-toi au coucher, prie, fais-en deux, fais-en dix, fais tes sacrifices, enlève ta vie, tue, fais ça. Non! On ne peut pas être juste aux yeux de Dieu que par la foi en Jésus-Christ. C'est lui la justice. Donc, l'Évangile est activé par la foi, et ainsi la foi libère la justice de Dieu, la manifestation, je pourrais dire, de la justice de Dieu envers nous. Verset 17 nous dit « La justice de Dieu se révèle par la foi et pour la foi, selon ce qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » La justice de Dieu me fait vivre, et j'y crois par la foi. J'obtiens cette justice-là par la foi. La justice de Dieu me fait vivre, et parce que je vis, je crois par la foi. Et je veux vivre par la foi en ce Dieu-là, en ce Sauveur-là qui m'a sauvé. Donc, Paul présente l'Évangile, les versets 16 et 17, qui va développer tout au long de l'Épître aux Romains. La puissance, l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et c'est la justice qui s'obtient par la foi. J'espère de tout mon cœur, j'espère sincèrement que tu connais Jésus-Christ. J'espère que tu as une relation avec Jésus-Christ, que ce n'est pas juste un nom dans un livre, que ce n'est pas juste un nom dans un livre que tu lis, mais que tu as une relation avec cette personne-là, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. J'espère que tu as mis ta confiance en lui. J'aimerais terminer avec une histoire et ensuite un court texte dans la Bible. Monsieur Dwight Moody, qui a vécu dans les années 1800, a dit ceci. L'Évangile est comme un lion. L'Évangile est comme un lion. Tout ce que le prédicateur doit faire, c'est d'ouvrir la cage et de s'écarter. Tout ce que le prédicateur doit faire, c'est d'ouvrir la cage et de s'écarter. Annoncer l'Évangile, c'est laisser sortir le lion. C'est laisser sortir la puissance de Dieu. Annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est simplement faire confiance à Dieu et ne pas m'appuyer sur mes capacités. J'ai une facilité de parler. J'ai la facilité à convaincre les autres. Je suis beau bonhomme. Je suis bien habillé. Je suis amical. Je suis moral, tout ça. J'ai une facilité de persuader les gens. Non, non, non, non, non. Annoncer l'Évangile, c'est laisser sortir le lion et c'est simplement se tasser. Nous, moi, lorsque j'annonce l'Évangile, c'est l'Évangile qui est la puissance de Dieu. Je proclame le message qui peut sauver. Je ne suis pour rien, mais j'ouvre la bouche. Je suis un ambassadeur pour Christ. Donc, ça ne dépend pas de moi si les personnes sont sauvées. Et je n'ai pas d'excuse maintenant non plus. Puisque l'Évangile, c'est la puissance de Dieu, je n'ai pas d'excuse de dire, je parle pas bien, moi. J'ai pas de facilité à convaincre les gens. Je me trompe. Je ne citerai pas nécessairement le bon verset. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu. Est-ce que j'y crois? Si j'y crois, alors je l'annonce. Parce que Dieu convainc par sa parole, qui est une épée à deux tranchants. Annoncer l'Évangile, donc, je dis, c'est laisser sortir le lion, la puissance de Dieu. C'est faire confiance à Dieu, finalement. J'aimerais vous laisser avec 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 1 à 5. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 1 à 5. Et c'est Paul qui va dire dans ses propres mots, la parole de Dieu, ce que j'essaie de vous communiquer dans les derniers temps. « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou avec sagesse que je suis allé chez vous vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 1 à 5. Donc, c'est l'Évangile, c'est Dieu à travers l'Évangile qui transforme des vies, qui les fait passer de la mort à la vie, qui les ressuscite spirituellement. Je vous invite à annoncer le témoignage de Dieu, comme il est écrit ici dans le verset 1 de 1 Corinthiens 2. D'annoncer le témoignage de Dieu et de laisser sortir le lion et de vous tasser ensuite. À Dieu les résultats. À Dieu les résultats. Nous, en tant que croyants, on veut parler de notre Sauveur. Et où est-ce qu'on le trouve? Dans l'Évangile, dans sa parole. Gloire à lui. On va terminer en priant, si vous voulez bien. Notre bon Père du ciel, je suis privilégié, Seigneur, de te connaître, de pouvoir annoncer ta parole, de pouvoir la comprendre, de pouvoir être enseigné par toi et de pouvoir être repris également par toi. Merci pour ce privilège que nous avons encore une fois d'entendre ce que tu as à nous dire. Merci pour l'Épître aux Romains qui est si riche, qui nous révèle ta parole, l'Évangile, la justice de Dieu qu'on va voir dans les prochains versets. Donne-nous, Seigneur, de te faire confiance de plus en plus, de mieux en mieux, et de laisser agir ta parole, de laisser sortir le lion, qu'est ta bonne parole. Cette dynamite qui peut faire exploser des cœurs afin que tu puisses y déposer, Seigneur, ton cadeau, la foi, Seigneur. Je te loue, Seigneur, et je prie que tu puisses continuer à travers ma bouche et à travers tous tes enfants, que tu puisses continuer de tirer les louanges, que tu puisses continuer de tirer l'adoration qui t'est due. Sois loué par l'Éternel. Amen. Alors, je vous souhaite bonne semaine et la prochaine fois qu'on va se voir, on va parler de la colère de Dieu. On va arriver au verset 18 et les autres chapitres, ça parle de la colère de Dieu. C'est pas facile, je vous dis, mais c'est un des attributs de Dieu. À la prochaine. Alors bonjour et bienvenue, que ce soit la première fois ou que ce soit la xème fois.